Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors, aujourd'hui, on n'est pas plus nombreux que la semaine dernière. J'ai avec moi Adrien. Salut tout le monde et bonne année. Et j'ai avec moi également Dorothy. Salut à tous, bonne année à vous. À chaque fois, j'ai peur de me tromper. Non, mais c'est pas grave, on a l'habitude. J'étais déjà préparé à dire Aka Dorothy, Aka Baptiste, tu vois, j'ai déjà les petites phrases de prête, tu vois, déjà. Pour l'habitude. Ah, c'est beau quand même. Merci la confiance. C'est toujours comme ça avec toi. Hein. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, c'est vrai, bonne année. J'avais pu vous souhaiter les meilleurs vœux pour le podcast spécial Star Wars, mais on continue cette semaine avec beaucoup de santé et compagnie. Et joyeux couvre-feu également. Vive métro boulot dodo. C'est pas vrai, on peut vivre quand même jusqu'à 18h, c'est vraiment ouf. Attends, hey. Ouais. Rappelle-toi, en mars, on pouvait même pas sortir. Ouais, mais je dois dire non à ma pizza. C'est fini, la pizza. La pizza, tu l'as fait maintenant. Tu l'as fait. Donc, t'auras le temps jusqu'à partir de 18h, tu peux la faire, ça encore plus meilleur. En fait, je fais la bouffe du lundi au vendredi, le samedi midi et le dimanche. Donc, j'aime bien avoir mon samedi soir où je ne branle rien. Sinon, ce que tu fais, tu pourras toujours. D'inverse, tu fais samedi midi et le soir tu cuisines. Ouais, bref. Attends. Adrien, toi, tu habites dans Toulouse. C'est très bien. J'adore Toulouse. Par contre, chez nous, dans la campagne, il n'y a pas de Just Eat, il n'y a pas de Deliveroo, il n'y a pas de Uber Eats, donc... Ah ouais, mais ça, c'est pas mon problème, mec. C'est vrai. Mais j'ai la fibre. Ça, c'est bien. Putain, t'as la fibre. Moi, je l'ai pas. Je suis pas très loin, pourtant. Eh ben ouais. Mais bon, on n'est pas moi, là. Moi, j'ai Uber Eats, j'ai Deliveroo et j'ai la fibre. Oui, ben ça va. Merci le Toulousain, merci le privilégié. Juste Toulousain, ça suffit. Mais bon, on n'est pas là pour parler de couvre-feu et compagnie, on est là pour on est là pour se divertir aujourd'hui. Voilà. Et pour se divertir, on va parler manga et on a un sujet, un long sujet qui va nous prendre 3 heures au minimum. Est-ce que une série longue est gage de qualité? Et sur ce jingle, et puis après, je prendrai vos avis. Alors, du coup, c'est parti pour ce grand débat. Vite fait, vous êtes plutôt longue ou courte série quand on regarde vos bibliothèques? Il y a les deux, vraiment, c'est assez partagé. Ouais, moi aussi, j'ai un peu des deux, mais j'ai quand même peut-être plus des séries longues. Ouais, ça dépend. Non, plutôt des courtes, mais j'ai quelques longues quand même. Alors, c'est mitigé. On va être clair, pour moi, une longue série, c'est quand ça dépasse 30 tomes. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, une longue série, c'est quand ça dépasse les 30 tomes. Ou ça en approche, quoi. 27, 32, tu vois, ça commence à être long. Alors, ouais. En parlant de longue série, je pense qu'on va pouvoir parler en long et en large, en travers, des shonen. Parce que quand je parle de longue série, généralement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les shonen. Bleach, Naruto, Dragon Ball, One Piece, Détective Conan également, qui a à peu près le même nombre de tomes. Donc voilà. Alors... Est-ce que dans Naruto, on compte Boruto également? Ça, je sais pas. Non, mais Boruto, ça existe pas. Non, mais non, on sera de Naruto, c'est bien. Hein. Je suis pour s'arrêter à Naruto. C'est comme Dragon Ball. Dragon Ball, c'est 42 tomes. Après, Dragon Ball Super, c'est autre chose, tu vois. C'est pas... Donc, voilà. Ouais. Je suis d'accord aussi. Et voilà, alors je crois que City Hunter, il y a 32 tomes, A-Shield 37, Fairy Tail 63, Food Wars 36, Voilà, je pense. Naruto, que... 472, Naruto je suis. 72, 72, One Piece, je crois qu'il y a le 97 qui vient de sortir. Pareil pour Détective Conan, ils sont à 97. Bleach 74. Ben voilà. Love X Dilemma, ils sont en quasiment à 28 tomes. Kingdom, qui vient de sortir 57. Voilà. My Hero Academia, 28 tomes. Oui. Full Metal Alchemist, 27 tomes. Donc est-ce que l'on. Pas long. Oui, bon, c'est du long. Hein. Bah, tu vois, c'est typiquement le genre de série, tu vois, quand tu es entre les 25 et 30 tomes, c'est pas une courte série, mais en fait, quand je pense longue série, c'est vrai que ça dépasse quand même les 30. Et genre, tu vois, ouais, c'est Full Metal. Est-ce que je me dis c'est une longue série ouais, mais. Mais en fait, c'est ce qu'il faut, tu vois. Genre, ouais, moi, je trouve que moins, ouais, c'est vraiment le c'est un format qui est correct, en fait. Moi, je trouve que, tu vois, voilà, c'est sans rentrer trop dans les détails et sans trop donner de conclusion de suite, mais moi, c'est un format qui me plaît, moi, en fait. Le 25-30 tomes. Ouais, mais moi, je trouve ce format parfait. 27 tomes, c'est vraiment l'histoire qui se met bien en place, mais ça pousse pas trop loin. C'est bien quand tout est bien exploité, c'est pas trop tiré sur la longueur ni rien, c'est pas trop court. Bon, après, bref. Ouais, bah alors, maintenant qu'on a un peu détaillé les shonen, on peut vite fait toucher deux mots sur les seinen, parce qu'il y a quand même des seinen qui ont plus de 30 tomes. Oui, Berserk. Voilà, vas-y, Adrien. Vas-y. Mon premier Berserk de l'année. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'était son premier et loin d'être le dernier et ni le dernier dans cet épisode. Donc voilà. Hein. Alors, en autre seinen. Alors, je sais pas si l'attaque des Titans, c'est un seinen, si je dis pas de conneries. C'est un seinen et il y a le 32e tome qui vient de sortir. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ce qui me semblait. En CNN, t'as Initial D, 42 tomes. Ah ouais. Ben ouais, c'est un CNN. Ouais, alors, je savais pas. Kazé l'a mis en shonen, mais au Japon, c'était un CNN. Bah, c'est comme Claymore qui est considéré comme un shonen. Bon, on a déjà parlé plein de fois, mais il y a 27 tomes. Donc voilà, je regarde vite fait dans ma liste, mais j'ai pas forcément d'autres exemples qu'Initial D et Berserk. Si vous avez d'autres exemples balancés, c'est le moment, le temps que je cherche. En plus de 30 tomes, j'en ai pas vu non plus. Ouais, non, par Berserk. Ouais. Bah, que je lis, que j'ai dans ma collection en semaine long, non, je vois pas trop. Je vois pas. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire que les longues séries sont gages de shonen, en fait ? Sont gages de shonen, non, sont gages de qualité, tu veux dire ? Non, sont gages de shonen. C'est-à-dire que les séries longues, on le trouvera uniquement sur du shonen et pas forcément sur du shoujo, sur du josei, sur du yaoi, du yuri et compagnie. Ouais, mais non, de toute façon... Ouais, moi je pense que oui, je pense que le shonen c'est un format qui est facilement adaptable sur la durée, quoi. Donc l'évolution d'un personnage dans un monde, ils peuvent faire le pousser toujours plus loin, quoi. Des nouveaux adversaires, C'est vrai que le shonen est quand même propice, on va dire, à ce que ça soit une série plus ou moins longue, parce que tu débutes souvent, qu'est-ce qui fait le shonen, c'est tu débutes avec un héros qui a souvent des bases des bonnes bases, tu vois, ou qui demande que à être entraîné et à poursuivre un rêve et à devenir de plus en plus fort ou avancer de plus en plus dans cette quête. Et donc du coup c'est vrai que les longues séries du coup sont plus propices à ça, quoi. Que un seinen, tu peux commencer directement avec un personnage qui est déjà ancré et tu connais son histoire ou pas et tu vas le connaître, mais bon, c'est d'autres genres, mais c'est vrai que le shonen est quand même plus approprié à ça, quoi. Alors, question qui va et puis même je, Ouais, vas-y, Jeffrey, je t'en prie. Vite fait, question qui va vous paraître débile. Mais on sait très bien que les chapitres sortent dans des jumps de manière hebdomadaire, qu'il y a des espèces de votes qui permet de jeter une série quand ça marche pas. Et est-ce que clairement les éditeurs au Japon ne tirent pas sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse? Moi, je pense que, enfin, ça dépend les œuvres, mais je trouve que certaines œuvres, quand elles sont trop tirées sur la longueur, si l'univers n'est pas cohérent et que l'auteur n'arrive pas à faire quelque chose qui est en lien avec le début de l'œuvre, ça, moi, je trouve que des fois, c'est trop long. Genre, par exemple, si je pense à Naruto, mais t'as pas tout lu, donc je vais pas te spoil. Mais je trouve que justement, il y a facilement, j'ai regardé tout à l'heure, j'en parlais, il y a 10 voire 15 tomes de trop, quoi. À la fin, c'est clairement du fan service et à la fin, c'est totalement bullshit. Pour moi, je pense que c'est ils ont sur Naruto en particulier à tirer la corde trop sur la corde. Contrairement à d'autres mangas ou One Piece qui est beaucoup plus long, qui justement c'est plus ancré dans l'univers où justement ils se baladent d'île en île et c'est toujours cohérent avec le début quoi. Je pense que ça dépend comment c'est fait et voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier, Jeffrey. Ouais, je pense aussi que forcément, une série marche très bien et les éditeurs ont forcément envie d'aller le plus loin possible. Mais ça a pu se voir, on va dire, sur les Big Three, du coup, sur les gros titres comme Bleach, Naruto et One Piece. Même si One Piece, ça marche toujours parce que je pense que Oda, il a carrément son esprit, la ligne, c'est un génie, tu vois, dans son genre. Non pas que les deux autres ne sont pas des génies, mais je pense que ça se ressent plus dans les tomes qu'ils ont été un peu poussés pour continuer, voilà. Oui, mais il a vu gros, il a placé des indices dans les premiers tomes. Dans les tomes, voilà, très tôt, t'as plein d'indices, ça reste cohérent, genre ils te présentent des persos, tu sais qu'ils sont très forts, mais tu les vois pas de suite. Ouais, et l'univers est fait aussi, tu vois, dans un monde un peu ouvert, piraterie d'île à île, tu vois, tu peux facilement rajouter des îles, des trucs, peut-être plus facilement, je pense que ouais, voilà, autres, après, c'est, il n'est pas encore arrivé à l'objectif qui s'était placé, donc c'est cohérent, quoi. C'est pas comme s'ils avaient trouvé le One Piece, c'est que ça continue après. Là, ils n'ont toujours pas trouvé, donc c'est clair. Pour moi, c'est tant que c'est cohérent, ça va, tu vois. Voilà, là c'est où, ça. Un autre exemple, Hunter x Hunter, je ne sais pas si vous avez vu l'anime ou lu les mangas. Non, j'ai vu l'anime, ouais. Ouais, moi, j'ai lu la suite qui se passe après l'anime, quoi. Et je trouve ça pas cohérent, quoi. Pour moi, le mangaka aurait dû s'arrêter au même endroit que l'anime s'arrêtait. C'était très, ça faisait une fin ouverte, c'était très bien et tout. Et après, je trouve que ça perd de sa contenance, quoi. C'est faire la suite pour faire la suite parce que ça a bien marché. Et je trouve ça, ça marche pas. Pour savoir vite fait sur Hunter, vite fait pour Hunter x Hunter, clairement, c'est pas le mangaka qui veut continuer. Hein. C'est l'éditeur japonais qui pousse. L'éditeur japonais. Parce que, apparemment, le mangaka déteste son travail. Il est malade aussi, non? Il est malade, très malade. Ça, il a annoncé qu'il va pas finir le manga. Hein, parce qu'il a annoncé. C'était annoncé, ils vont bâcler la fin, ils ont annoncé la fin, c'est Aurélien de BD Ciné qui me l'a informé samedi dernier, donc la fin arrive, ça risque d'être une fin bien bâclée. Ils l'ont poussé jusque parce que j'avais vu une info donc du coup qui datait un peu sûrement que pour lui il n'allait pas finir. Oui, après, ce mangaka, il est dépressif et compagnie. Apparemment, il s'était fait passer pour mort. Donc voilà. C'est peut-être pas mal que ça se termine. Ouais. Oui. Pour revenir au sujet, du coup, moi, je pense que depuis ces dernières années, on voit qu'il y a un changement, je trouve, quand même, dans les publications, et justement, de ce fait de moins tirer sur les mangas, tu vois. Genre, quand tu regardes un très bon exemple sur Demon Slayer, tu vois, qui a eu une grande hype, et bien les éditeurs, je trouve qu'ils n'ont pas fait le forcing pour continuer, que le mangaka pousse le truc, le manga jusqu'au bout, alors qu'il avait fait une explosion ces dernières années, quoi. Et je pense que les éditeurs ont compris que ça servait à rien de pousser un manga trop loin si c'est pour le bâcler ou perdre des gens quand même en cours de route, quoi. Alors, si tu ou me permets... perdre l'âme du manga, tu vois. Alors, c'est un très bon exemple ce que tu allais me dire. Mais après, si tu me permets, avant d'arriver maintenant, j'aimerais juste faire rapidement un retour en arrière. Et puis arriver à peu près au moment présent, parce qu'on a vite fait évoquer les Big Three, mais on a oublié également de nommer des mangas old school, chose qu'on pourrait dire quasiment le old Big Three, avec City Hunter, Dragon Ball, Ranma, qui fonctionnait. Ouais, mais attends, on a parlé de Big Three, on n'a pas parlé de Big Four. Allez, Big Four, d'accord, je te l'accorde. Et du coup, on peut voir que les séries se sont à peu près terminées, donc 30 tomes pour City Hunter, une quarantaine de tomes pour Ranma quand même, et 42 pour Dragon Ball. Déjà à l'époque, on pouvait voir qu'ils tiraient sur la corde, que ça soit pour Ranma ou Dragon Ball. Je pense que Toriyama aurait adoré arrêter à Cell. De base, il devait même s'arrêter à Freezer. Hein. C'est juste qu'après Freezer, ça a au taquet marché, donc il a fait un arc de plus qui lui plaisait, donc Cell. Il a appliqué plein de petites références à des trucs qu'il aimait bien. Et après, par contre, après ça, ils voulaient vraiment arrêter. Et du coup, c'est les mecs qui ont vraiment, les éditeurs qui ont vraiment poussé pour qu'ils fassent l'arc-bout. Voilà, pour la petite histoire. Oui, mais ça, voilà. Mais voilà. Du côté de Ranma, donc, c'est un héros qui se transforme en femme quand il est en contact avec de l'eau froide. Attendez, deux secondes. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas ses enfants. Hein, alors, je vais reprendre, vous inquiétez pas. Du côté de Ranma, c'est un héros qui se transforme en femme au contact de l'eau froide et c'est un spécialiste des arts martiaux. C'était très à l'époque c'était très à la mode à l'époque. Et en fait, à chaque fois, il affrontait des personnes dans différents styles martiaux. Et là, sur le dernier tome que j'ai lu, il affrontait un style martial qui s'appelait le Pop-Up Girl. Là, clairement, ouais. on sent qu'il y a plus trop d'idées, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, Senseiya, j'ai pas lu, j'ai pas vu, donc je peux pas juger. Et City Hunter, je pense qu'ils se sont arrêtés au bon moment, malgré nombre de spin-offs qu'il y a eu, qui continuent à avoir. Donc voilà, en parlant des Big Three, donc ça on est revenu, mais la plupart des Big Three, enfin il y en a deux qui se sont arrêtés. Il y a eu un tome bonus sur Bleach qui est Burn the Witch. C'est pas une suite, mais c'est un spin-off dans le même univers. Et également, il y a un spin-off à Naruto qui est ce qui est, mais il existe. Donc voilà. Et quand tu parlais de manga qui... Ben là, tu vois... Ouais. Tu le vois bien là avec Boruto, où tu vois que les éditeurs ont dit... Hein. Non, mais il faut absolument que tu continues sur l'univers de Naruto parce que c'est un univers qui plaît et qui fait vendre, tu vois. Alors que tu vois, Bleach, effectivement, il a fait un spin-off avec Burn the Witch, mais il s'est contenté de, je pense, enfin déjà, c'est pas du tout, enfin le même, enfin c'est le même univers, mais c'est pas du tout les mêmes, le même contexte, tu vois. Oui. Par rapport au Shinigami, tout ça, ça n'a rien à voir quand même. Et il a décidé de faire un truc court. Et je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Ah non, mais là-dessus, c'est forcément très bien. Je critique pas. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois la différence entre les deux. Oui. Et c'est là que tu vois que forcément, les éditeurs poussent quand même voilà. Et... sur certains projets. Et là où on a un manga qui dure tout aussi longtemps de One Piece et qui est tout aussi vieux, c'est Détective Conan. Bon, je sais qu'il n'y en a aucun qui le lit j'en ai lu 45-46, il me semble, de mon côté. En fait, vite fait, Conan, c'est un adolescent détective qui a chopé des hommes en noir en train de trafiquer de la drogue ou on ne sait pas quoi. Et il décide de droguer cette personne en pensant que ça va le tuer, mais en fait, pas du tout. Il est devenu petit, donc il retourne à l'école primaire et compagnie. Et ça dure depuis 96-97 tomes. Et histoire de bien rigoler, on croise ces hommes en noir une fois tous les 10 volumes pour au final pas avancer beaucoup sur la chose. Donc voilà. Ouais, bah après le format, c'est que des enquêtes, je crois, non? Ouais. Ouais, bah après, du coup, c'est un format qui se prête à durer dans le temps, quoi. C'est juste qu'après, l'histoire du héros principal avance pas, quoi. Mais après, le format permet justement de faire durer sur la longueur, quoi. Donc, c'est juste des enquêtes à chaque fois. Plus ou moins longue. Ouais, mais tu vois, Naruto, Bleach, t'as le plaisir du voir le héros grandir. One Piece, je sais pas, j'ai pas vu, donc je juge pas. Mais tu vois le héros grandir. Dans Conan, et puis t'as l'histoire qui avance aussi. Oui. Mine de rien. La ligne rouge avance, quoi. Alors Conan, si tu me dis que tous les 10 tomes, tu retrouves les grands méchants de l'histoire et que ça avance pas depuis 97, merci, quoi. Donc, 97 tomes, Détective Conan. Ah oui, ouais, ça, depuis. Ouais. Donc, voilà. Alors, pour info, j'en ai offert à Océane 31. Elle a un tiers de la collection. C'est propre. Elle m'en a voulu quand je lui ai donné le nombre au final. Ah, oh, c'est gentil, tu m'as tout offert. Ah oh, non, t'as un tiers là. Ah, merde. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, tu me diras, mon beau-frère, il a offert pour sa sœur les 5 premiers de One Piece, quoi. En mode, vas-y, fais la collection, je pourrais les lire après, quoi. En mode, oh le gros bâtard. Oh là là, oh là. Ah, le bâtard. Ah ouais. Ah, il y a des cadeaux comme ça, c'est pas des vrais cadeaux, quoi. C'est des cadeaux empoisonnés, hein. C'est... Après, du coup, c'est pour revenir à, cadeaux, hein. à un format long qui marche, voilà, je sais que vous ne regardez pas, mais par exemple, un truc qui dure depuis très longtemps, Jojo. Mais qui a réussi. Ben ouais, Jojo, ouais. Parce que vu que ça marche avec des arcs et à chaque fois c'est des nouveaux persos et tout, au final, ouais, c'est une série longue parce qu'il y a 126 tomes, je crois. Ou 151, j'ai un doute. Mais vu qu'à chaque fois, c'est des petits arcs et que c'est des protagonistes différents, toujours avec dans le même univers, avec une trame commune, bah ça marche, quoi. Sur la longueur, ça marche même. Ouais, t'es pas obligé de te faire toute la collection d'un coup. Si t'as un arc que t'aimes bien, tu peux te le prendre. Et limite, sans prérequis, tu peux lire, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un format qui est un peu spécial, c'est vrai, Shoujo, parce que justement, vu que c'est vraiment des arcs un peu à part, même si t'as des liens entre les arcs, tu peux suivre. Et c'est vrai que c'est pas mal. Alors, du coup, il y a 129 tomes. Ah oui. C'est pas mal. Je pensais pas autant, tu vois. Bah, en fait, les premiers arcs sont assez courts. C'est 5, 7, 16. Et après, c'est genre à chaque fois, c'est au moins une vingtaine de 20, 26 tomes par arc. Et il y a là, quand actuellement, l'arc 8. Ok. Alors, vite fait, maintenant, pour parler des séries récentes. Donc, le format long continue à fonctionner. On le voit avec My Hero Academia qui va bientôt arriver aux 30 tomes, si c'est pas déjà le cas au Japon. Typiquement, My Hero, tu vois, je pense que c'est le manga, et je pense qu'ils ont, je pense que ça se sent moi aussi dans la lecture, tu vois. Plus tu avances dans les tomes et plus tu le sens, que c'est une série qui. Ils affirment comme quoi ça va être très long. Quand je dis très long, ça va être des tomes comme. Ça va être des mangas comme justement Naruto, Bleach ou One Piece qui vont durer dans le temps. Et voilà. C'est juste pour. Oui, c'est ce que je ressens quand je. Pour moi, c'est la nouvelle génération de shonen long comme moi j'ai pu avoir. Enfin, comme moi j'ai pu avoir, ouais, quand j'étais il y a peut-être 10-15 ans, quoi. Pour moi, My Hero Academia, c'est vraiment le digne successeur du Big Three, quoi, pour moi. Ah oui, bah, complètement. Vous avez raison, mais par contre, là, je vois plus de raison pourquoi on dit des Big Three, parce que à côté, il y a personne qui fait des séries longues. Alors, Adrien a commencé à l'évoquer avec Demon Slayer. On peut continuer avec Promised Neverland. Ouais, Beastars aussi, il y en a plein. Bah, Vinland Saga. Combien de tomes, Vinland Saga ? Vinland Saga, je suis en train de chercher. Je pense qu'il y en a facilement 25, je crois. Je vérifie, peut-être pas un peu plus. C'est fini ou pas, Vinland Saga ? Je sais pas, je regarde. Moi aussi, attends. Ben non, c'est fini 24, j'ai rien dit. Donc voilà, les mangas arrivent sur des séries courtes, ce qui n'est pas forcément un mal, mais par contre, quand la série est terminée, on a le droit à des spin-offs, spin-off suite. Et pour Demon Slayer, ils nous avaient annoncé, il me semble, un spin-off qui devait s'appeler Rengoku Gaiden. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera, mais voilà, c'est sur la suite. Le pied de la flamme. Ouais. Ben, c'est fini déjà ça. C'est déjà fini. Enfin, moi j'ai suivi un peu, je crois, sur internet, mais c'est un spin-off, mais je crois pas que ça va être un gros truc. Je crois que c'est quelques chapitres qu'ils ont sortis dessus, mais je pense pas que ce soit un gros truc. Hein. Du coup, pardon, excuse-moi, pour revenir sur Vinland Saga, c'est le 24e tome vient de sortir, mais la série est toujours en cours. D'accord, ok, bon, mais ça va être une série longue. Ok, ben autant pour moi. Je pensais que Gaiden allait durer un peu plus longtemps. Je crois. Ben écoute, voilà, ben au moins je me suis gouré, mais bon, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Je vais vérifier, mais. Mais j'arrive pas à trouver d'infos, on va dire, fiables. Donc c'est... Ouais, c'est un one shot. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est je ferme ma gueule. Spin-off de deux chapitres. Okay. Voilà. Bon, ben je ferme définitivement. J'ai lu et c'est du bon, c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc on arrive sur pas mal de choses où on va voir des spin-offs. Alors, je sais que vous n'êtes pas du tout habitué à ce genre de choses, mais en tant que lecteur de Yuri, c'est quelque chose que je vois énormément. On a des séries entre 1 et 10 tomes, et puis après, ça tourne autour du spin-off, spin-off suite, et voilà, donc ça permet de prolonger la chose, mais voilà. Donc voilà. Alors, un manga qui fait ça et qui va le faire, et je pense qu'il va aussi être sur un long manga, c'est les Seven Deadly Sins. Ils ont fait, terminer leur premier... Les Seven Deadly Sins, c'est terminé... avec, je crois, 41 tomes. 41 je crois, tomes, ouais. Quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Et ils ont sorti deux spin-offs. Un ou deux spin-offs. Et là, il va y avoir, du coup, la nouvelle série, donc, qui va être une pseudo-suite, mais ça va être un peu, je crois, un peu Legacy, tu vois, un peu comme Boruto, je crois, que ça va être sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. D'accord. Et ça va être la suite qui va bientôt sortir au Japon, je pense, dans l'année, quoi. C'est voilà. Ok, d'accord, c'est noté. Après, moi, enfin, ça m'étonne pas. Genre, quand je vois des mangas comme on a parlé, comme Fate, où c'est que des spin-off sur spin-off avec des. Ouais, alors Fate, c'est encore. Ouais, c'est encore plus compliqué, tu vois. Mais, C'est encore plus compliqué parce que c'est pas vraiment des spin-off, c'est sur des univers parallèles, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu comme le MCU de Marvel, tu vois, où en fait tout est lié, tout peut se rejoindre. C'est Fate, c'est un gros morceau. Hein. Donc mais voilà. Effectivement, ouais. Alors, on va peut-être poser la vraie question, parce qu'on donne pas mal d'exemples depuis 30 minutes. Mais en tout cas, sur les shonen, est-ce que les longues séries, c'est égal à un gage de qualité? Qui commence? Vas-y, bon, Adrien, je te sens motivé. Très bien. Ouais. Moi ouais, vas-y, non, toi. Vas-y. Si, non, vas-y, toi. Dorothy. Non, non, Dorothy, elle avait l'air lancée de ouf. Ouais, vas-y, bah, vas-y, je me lance. Bah, pour moi, une série longue, c'est pas forcément un gage de qualité. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si c'est bien fait, carrément, comme un One Piece, ou même c'est chiant parce que c'est beaucoup de tomes et tout, mais l'histoire est cohérente et tout. Si c'est mal fait, surtout sur la fin, bof, pas trop, quoi. Moi, ça me parle. Vraiment, je préfère des séries, comme on a dit, qui frôlent les 30 tomes où tu as le temps de t'attacher au personnage, de créer un univers et tout, mais tu sens que c'est pas tiré sur la longueur. Pour moi, c'est pas... Enfin, maintenant, je me vois mal me lancer dans des nouvelles collections longues, genre par exemple, j'ai pas Detective Conan, j'ai pas Bleach. C'est pas des séries qui, parce qu'elles sont longues, ça me donne envie de les commencer. Adri ? Ouais, bah alors forcément, on peut pas dire que les séries longues sont forcément gage de qualité. Après, moi, c'est quand même, j'ai apprécié de lire quand même Bleach et Naruto, même sur la fin, parce que j'étais dans le truc et voilà. Mais effectivement, comme Dorothy a dit, tu vois, je me lancerai pas. J'ai pas lu One Piece. Je suis un peu comme ça de loin et je me renseigne un peu. Mais genre les 90 tomes, je me vois très mal maintenant lancé là-dedans. Et j'apprécie beaucoup plus, on va dire, le nouveau format de manga long qu'on peut connaître actuellement, c'est-à-dire, allez, on va dire entre 27 et 40 tomes, tu vois. C'est des formats, et encore 40, ça commence à être long. Mais voilà, quand un manga arrive sur les 30 tomes, eh bien, je trouve que c'est vraiment le juste milieu entre un manga pas trop court où tu n'as pas le temps de t'attacher à tes personnages et tu peux être frustré, tu pourrais être frustré, même si j'ai déjà vu des séries courtes qui sont bien basées. Mais voilà, le 30 tomes, c'est vrai que pour moi, c'est pas un gage de qualité, mais voilà, c'est un format qui me plaît beaucoup. Et les séries longues, pas forcément gage de qualité, forcément. Et c'est, si je peux me permettre, ce qui est pratique aussi avec des formats de 30 tomes, c'est que t'es pas bloqué sur une seule série. Tu peux en faire plusieurs en parallèle. Tu vois, avant, parce que, je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, voilà, c'est pas très vieux, mais bon. Tiens, j'avais le choix entre commencer Naruto, One Piece ou Bleach, parce que j'ai envie de me faire un shonen sur la longueur, pour me faire un petit kiff, avoir mon tome, sur des années. Bah, j'ai commencé Naruto. Je me voyais pas faire Naruto, One Piece et Bleach en même temps. Alors qu'avec sur des tomes, sur des mangas, que tu sais que ça va être, on va dire, moyennement long, donc une trentaine de tomes, tu peux commencer plusieurs séries être en même temps, mais déjà sans te ruiner, et sans que ça prenne trop de place chez toi aussi. Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, tu vois, moi, j'ai 74 tomes de Bleach. Bon, ben, en fait, en faisant trois séries à côté, ça me fait à peu près la même quantité de manga qu'une série, quoi. En plus. Oui, ouais, t'es pas bloqué sur une série. Tu vois, le format de 30 tomes, c'est bien, quoi. C'est-à-dire que t'attends d'apprécier l'histoire sans pour autant te bloquer sur d'autres trucs, quoi. Ouais. Bien sûr. Et je pense que ça se ressent aussi, comme je l'ai un peu dit, mais c'est vraiment mon impression, c'est que les maisons d'édition japonaises en sont conscientes de ça, que les big three, les grosses séries à rallonge, c'était il y a un temps et il y a eu un renouveau là-dedans, même si certains continuent à durer dans la grande longueur. Et ils s'affirment là-dedans, en fait. C'est pas genre une surprise, genre ah, est-ce que ça va être long, pas long. Je sens de but en blanc que ça va être long. Et du coup, bah, tu l'assumes et tu l'achètes pour. Mais à côté, tu peux négocier, tu peux justement gérer plusieurs autres séries mi-longues, on va dire. Donc voilà. Alors, Jeff, du coup, ton ressenti ? Alors, je suis partagé sur des... Alors, j'en ai lu. Hein. Bon, j'ai pas lu autant Naruto que la plupart de vous deux. Je crois que j'en ai lu une quarantaine, peut-être un peu moins. J'ai tout lu Bleach, j'ai tout lu Dragon Ball, j'ai lu quand même beaucoup de choses, donc une quarantaine de tomes de Detective Conan et compagnie. Mais voilà, pour moi, ça dépend en fait de la série et vers quoi on veut nous l'amener. Des séries d'aventure type Naruto, Bleach et compagnie, ça fait une quarantaine de tomes, ça me va très bien. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas des histoires où on ne voit pas le héros principal pendant 3 tomes, et ça, c'est arrivé sur le dernier arc de Bleach. Ouais, voilà, exactement. Ça me gonflait, mais d'une force extraordinaire. Surtout qu'en plus, on te le vend, la dernière fois que tu le vois, on te le vend comme Là, le nouveau perso, ça y est, il a atteint un stade de ouf. T'as juste envie de le voir tataner des gueules et tu attends 3 tomes pour ça. C'est ça. Et aussi, t'as des arcs inutiles. L'arc où il redevient purement humain. Putain, qu'est-ce que c'est ? C'est chiant. C'est chiant. Il y a plein de monde qui l'a pas aimé, cet arc, et moi, je l'ai bien aimé. Eh bien, tant mieux pour toi. Du coup, il y a plein de... Enfin, voilà, un shonen purement d'aventure, que ça se termine en 20-40 tomes, tant mieux, ça nous permet de connaître suffisamment bien le personnage. C'est très bien. Par contre, sur des shonen où on suit des classes, on peut nommer My Hero et Food Wars, j'aimerais en fait les voir jusqu'à la fin de leur scolarité. C'est-à-dire quand on les voit en première année, je veux les voir quitter le lycée et suivre ça au fur et à mesure, sans que ça soit trop abusé et sans qu'on sent qu'il y ait une fin précipitée. Coucou Food Wars, parce que le dernier arc sur le blues, il est à chier. Ils nous ont survendu la chose et ça dure 5-6 tomes maximum, et j'ai perdu tout intérêt et on ne voit pas nos héros grandir et d'aller jusqu'à la fin de la scolarité, et ça me ferait chier, et ça me ferait chier pour My Hero Academia. Je veux les voir jusqu'en troisième année et arriver au monde adulte. Moi je pense que dans My Hero, et en plus quand tu relis les premiers tomes ou quand tu re-regardes l'anime, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il te le speech dès le début que voilà, on va suivre le Midoriya, donc le personnage principal, jusqu'à ce qu'il soit le héros digne successeur. En fait, il te le dit, il te dit voilà mes aventures, comment je suis devenu le symbole de le numéro un, en fait. Et oui, je pense que on arrivera à le voir surpasser le All Might, quoi. En tout cas, j'espère. Mais j'espère vraiment qu'on suivra ça et que qu'il y aura un engagement du public japonais et de l'éditeur pour pas, au final, s'il y a un arc pourri, de dire bon, ben, allez, on plie la chose, on met ça sous le tapis, on passe à autre chose. Par rapport à un arc, bah après, ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais tant qu'il rebondit bien, tu peux passer par un arc un peu en dessous de certains d'autres, mais tant que tu rebondis bien dans l'histoire, bon, ça peut être pardonné. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et pareil, Shield, on suit donc la première année en football américain, mais c'est aussi la dernière année lycée pour certains, et on suit cette dernière année de lycée pour ça, donc que ça se terminait à la fin de cette année de lycée, ça me dérange pas, c'était bien. Oui, non, enfin, ouais, voilà, faut savoir s'arrêter quand même, faut s'arrêter, quoi. Si, enfin, comme il a dit, si c'est annoncé dès le début, que ça s'arrêtera à tel moment, dès que l'œuvre s'arrête à ce moment-là, ben, t'es pas déçu, tu sais que le manga il arrive à son terme. Comme par exemple, je trouve qu'ils ont fait un bon truc, parce qu'effectivement, le but au début de truc, c'était de dire bon, ok, notre but en fait, c'est gagner tel tournoi. Et après, ils ont continué un peu, mais c'était dans la logique, parce qu'en gros, ils ont gagné le tournoi régional. Et puis, ils se disent ok, ben en fait, on va essayer de passer à l'international et faire une équipe du Japon. Et je trouve que du coup, ok, ça rajoutait un peu de truc. Et tu dis ouais, ça passait en fait. Et ils ont arrêté après ça, heureusement. Ils ont fait On vous laisse imaginer la suite, quoi, mais ça passe très bien, quoi. Voilà, genre voilà, en fait, je suis allé m'entraîner avec les meilleurs aux États-Unis, maintenant on va se combattre à l'université, voilà, mais c'est drôle même, tu te dis ah ouais, en fait, il va encore voilà, ça, mais ça se finit bien. Ouais. Ouais, j'adorais ce manga. Ouais, moi aussi. C'est de la frappe. Donc voilà. Maintenant qu'on a vraiment traité en profondeur les shonen, au niveau des seinen, les choses sont différentes. Les longues séries, ça n'existe pas vraiment, à part pour Merder. Merci Adri. Et voilà où Berserk. Pas que je pense, mais c'est celui que je suis le plus. Mais voilà, Berserk 40 tomes, ça continue. Initial D 41 tomes, je disais. Mais voilà, de ce que j'ai. C'est pour qu'ils le mettent en seinen Initial D parce que putain, je le vois pas comme un seinen quand même. Et écoute, tu regardes sur plusieurs sites, Naughty John ou Manga News, ils te l'annoncent en seinen. Non, mais bien sûr, mais. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas trop seinen pour moi non plus, donc voilà, j'étais assez surpris, mais voilà. Alors, sur Manga News, la collection est shonen chez Kaze, seinen en type, et pareil chez Naughty John. Moi, tu vois, en fait, la publication en française l'a quand même mis en shonen, ce qui me paraît plus logique, mais ok. Donc voilà, et c'est, oui, je te confirme, type CNN sur Naughty John, donc voilà. Après, j'ai pas forcément d'exemple qui dure sur la durée avec des tas de tomes, mais je pense que si un shonen peut arriver à 70 tomes, je pense pas que le CNN pourrait en faire autant, parce que quand on s'attaque au CNN, on est généralement un peu plus adulte et on se verrait pas forcément continuer une histoire sur 40 ans. Alors que le shonen, tu vas le continuer si tu es accro, malgré que tu grandis, parce que c'est le héros de ton enfance. Ouais, et tu as une nostalgie qui joue. Moi, clairement, tu vois, Naruto, j'ai grandi avec lui, tu vois. Enfin, même vous, je pense aussi, tu vois. Bon, tu sais, t'as pas fini, mais t'as vu les grandes lignes, t'as vu, voilà, t'as commencé le début et t'as continué à lire jusqu'à ce que toi, t'as grandi avec, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, tu grandis avec ton héros et c'est pour ça que des grandes séries, de notre époque, en fait, les grandes séries, ça a fonctionné, en fait. Ces gros mangas de 70 tomes. Après, voilà, je pense aussi qu'avant, il y avait moins de choix de manga qui distribuaient, enfin, qui étaient moins de choix de manga. Et du coup, ça a fait aussi que les gens sont plus ciblés sur des séries qui ont marché. Et du coup, grâce à ça, ça a pu aussi exporter dans d'autres pays, comme nous, on a pu découvrir. Ah ouais, ça a tellement grandi. C'est ouf. Le choix, le truc. Alors, est-ce que quand t'es gosse, tu te rends pas compte qu'il y a que ça comme choix ou toi? Mais voilà, moi, pour moi, quand j'ai commencé à lire les mangas, c'était. Naruto, Bleach et j'ai lu aussi Full Metal, quoi. Full Metal, Dragon Ball, A-Shield, enfin voilà. Ouais, mais A-Shield, tu vois, je l'ai lu plus tard, tu vois, quand même. Quand j'ai vraiment commencé, je me suis dirigé direct vers les Big Tree, quoi. Le vouloir, entre guillemets, mais. Mais sans vouloir, oui, non, parce que c'est ce que tu entendais le plus parler, en fait. Ben ouais, c'est ça. Et puis où c'était intéressant également dans les vieux mangas, c'est que tu avais le style de dessin qui évoluait au fur et à mesure. Oui. Tu prends le premier tome de Naruto, il n'a rien à voir avec le Naruto du tome 10. Ah oui, non, ah, moi, oui, mais oui, après maintenant, je trouve que j'ai du mal à retrouver ça quand j'ai des mangas, l'évolution d'un mangaka au fil des dessins. Genre A-Shield, genre tu prends pareil le premier tome et le dernier. Même avant, les dessins, ça n'a rien à voir. Et tu sens que le dessinateur, il a réussi à trouver sa patte, quoi. Parce que c'est le même dessinateur que H21. C'est le même que One Punch Man. Et One Punch Man, il a déjà le style, quoi. Quand ça commence, tu reconnais très bien la patte du mec de H21. Ouais. Puis après, là, maintenant, quand tu vois les planches qu'il te fait sur One Punch. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même 22 tomes. Ouais, et c'est pas fini, je crois. Et franchement, les planches là, de ces derniers chapitres là, mais c'est de ces derniers des tomes là, c'est magnifique. Franchement, c'est ouf. C'est, pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs de manga. C'est Murata. Ah, ouais. C'est ça, non? Franchement. Et du coup, je pense qu'on va, on va pas dire forcément 150 000 choses sur les CNN, parce que bon, on a quand même beaucoup moins d'exemples de longues séries. Mais est-ce que pour vous, des courtes séries, c'est gage de qualité ou pas du tout, en tout cas sur des CNN, quoi. C'est sur des CNN, je sais pas, c'est pas le même. Je pense que c'est pas le même but recherché aussi quand tu fais une série courte. Je vois, j'ai quelques séries courtes. Il te donne un but ou une question ou un questionnement et le truc c'est d'y répondre, quitte à peut-être zapper tous les historiques des personnages secondaires et tout. Donc tu vas droit au but, on va dire, voilà, sans faire de jeu de mots. Mais du coup, moi je pense que pour les seinen, vaut mieux quand même qu'ils aient quand même une patte à travailler, parce que c'est pour un public plus mature et du coup se base peut-être plus sur l'histoire. Et du coup, si l'histoire est rushée dès le début et que tu as une série en 4 tomes, bon, t'as pas le temps de t'accrocher à l'histoire, quoi. Je pense le seinen peut permettre aussi d'amener des thèmes plus sérieux, plus matures et plus complexes. Surtout, du coup, faire un truc complexe sur pas beaucoup de tomes, bof, quoi. Alors que du coup, ça veut. Ouais, c'est compliqué. Après, pareil, faire un truc complexe trop long, bah, c'est fatigant aussi. Donc, pareil, je pense que les seinen, c'est un format plus court. Peut-être pour ça aussi. Ok. Du coup, pour essayer de conclure ce podcast, vous êtes plutôt court ou longue série, et où est-ce que vous avez trouvé votre qualité ? Adrien, commence, je t'en prie. Eh bien, écoute, on va dire que moi, maintenant, je suis sur le nouveau format long, on va dire, comme on a pu voir, de trentaine de tomes. Voilà, moi, je m'éclate là-dedans et c'est là où je vais avoir le plus de plaisir à lire et à découvrir un univers et manga. Ben, moi aussi, et pour une autre raison supplémentaire aussi, c'est la relecture, qui est beaucoup plus aisé sur des séries qui va approcher des 30 tomes. Tu vois, genre là, par exemple, pour la prochaine vidéo, je me suis refait tous les Fullmetal Alchemist. Ce fut un régal parce que 27 tomes, le format est pas trop long, pas trop court, et ça se lit facilement. C'est vrai c'est vrai que c'est plus facile de te dire, tiens, je vais me le relire, sachant que tu n'as pas 70 tomes à te battre. Ouais, pareil, j'avais prévu de relire les Naruto ou même le DBZ. J'ai commencé et au bout de 5 tomes, je me suis dit, bah, vas-y, je vais lire d'autres choses parce que je sais que ça va être trop long, quoi. Je te parle en relecture, pas en lecture, enfin première lecture. Le nouveau format de 30 tomes, je trouve beaucoup plus accessible déjà en termes financiers, pouvoir faire plus de trucs et aussi pour la relecture, quoi. C'est plus facile. Donc, pour moi, le format long, ouais. Mais pas trop long, quoi. Enfin, le mi-long, quoi. Parce que, voilà. Et toi, Geoffrey ? Eh bien, écoutez, je suis en train de regarder la plupart des séries dont je suis. Hormis quelques cas où ça dépasse les 30 tomes, la plupart des choses, c'est sur une quinzaine, vingtaine de tomes. Et c'est ce qui me plaît le plus parce que finalement, dès que tu finis ça, ta collection, tu ne mets pas des milliers de cents pour rattraper, tu les suis au fur et à mesure. Une fois que ça fait 10 tomes, c'est terminé, tu peux passer à autre chose. Et ça crée une histoire et ça développe assez bien. Et on peut aussi avoir un moment craquage. J'ai acheté à un moment les Full Drum, donc c'est un manga sur rugby en 5 tomes. J'ai lu les deux premiers et quand j'ai lu les deux premiers, je me suis dit, allez, fuck, j'achète les trois derniers d'un coup. Et bim, tu les achètes et c'est terminé. T'as les séries au complet. Et voilà, au moins, après, tu passes sur autre chose. Ok, donc toi, du coup, toi, t'es plus sur vraiment série courte, toi. Ah ouais, non, mais j'assume. Après, tu vois, My Hero Academia, ça me gêne pas, je l'achète au fur et à mesure. Mais voilà, il y a certaines choses. En fait, je te dis, voilà, moi je suis une série longue, après je fais que des courtes pour avoir un éventail plus grand. Ouais, et encore, tu vois, quand j'apprends finalement que la série va se transformer en longue série, je l'arrête pas pour autant. Et voilà. Après, c'est vrai que les longues séries, je vais plutôt les acheter en gros. Mais alors, soit j'attends que ça soit définitivement terminé, j'essaye de tout avoir sur Vinted, eBay et compagnie. Soit je les prends au fur et à mesure, mais sur les périodes comme décembre, janvier, les anniversaires, les Noëls, ou sinon l'été. Quand il n'y a pas de sortie, comme ça, j'en achète 3-4 et ça avance au fur et à mesure. Oui, surtout qu'en plus, si, en faisant ça aussi, tu peux attendre certaines offres ou coffrets qui sortent régulièrement sur des longues séries comme Promesse Neverland ou même My Hero Academia. Ils ont fait plusieurs coffrets avec plusieurs tomes dedans et tu peux facilement te retrouver avec quelques tomes gratuits du coup cumulés. Hein. Ou des fois, même des promos. Je crois qu'actuellement, il y a une promo sur les One Piece. T'achètes 2 tomes, t'en as un offert, quoi. Ouais. Permet, ouais, pareil, ouais, alors ça, j'ai rigolé, hein, parce que ça, c'est pareil, c'est un peu empoisonné le truc. Parce que, alors pour ceux qui suivent et qui ont un peu de retard, c'est cool pour eux. Mais alors pour les nouveaux lecteurs. C'est pas cool. Parce que je crois que c'est le 3, le 7 et le 10, le 15. Enfin, voilà, c'est vraiment peu de tomes. Oui. Après, voilà, c'est enfin. C'est un peu pute, mais bon, il faut. Pour ceux qui veulent commencer, c'est toujours ça de prix, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ah, vu le nombre de tomes, ouais, au moins, ça leur fait quelque chose. Oui, t'amortis un peu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le cadeau, faut se dire, on y revient encore. Hein. Et après, juste pour donner mon dernier point de mon avis là-dessus, ce que j'aime beaucoup dans la collection longue aussi, bah, ça fait classe sur une étagère. Ouais. Alors que plein de petites séries, bon. Non, c'est vrai. C'est... Et quand t'as toute la fresque des Dragon Ball dans la même édition, ou des High Shield, ou même des Ranma et demi, où tu as une petite fresque, c'est classe. Ouais. C'est classe, ça fait beau. Bah, ça fait propre. Plein de petits mangas et tout, c'est bien. Après, du coup, tu découvres plein d'œuvres. Mais après, ouais, moi, je suis fier de mes étagères, par exemple. J'aime bien les montrer quand il y a des gens qui viennent ou quand je fais mes vidéos. J'aime bien changer pour montrer les différentes collections que j'ai. J'aime bien quand c'est propre, c'est régulier, t'as des bons trucs derrière, quoi. Pas plein de petits trucs. Ouais, voilà, c'est l'esprit collectionneur aussi. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'esprit où je fais Tetris avec ma bibliothèque parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Mais ça, c'est un autre problème. Mais effectivement. Et c'est sûr. C'est cool, ouais. Bon, ben. C'est cool de voir ça. Sur ce, je pense qu'on va arrêter là. C'était pas mal. Ouais, on a fait le tour de la question. Tout, ouais. Avec on a même dérivé un petit peu au début, à la fin, comme d'hab, quoi. On dérive tout le temps. Mais là, quand même, on a dérivé dès l'intro, quand même, on a fait fort. Hein. On n'a pas attendu la nouvelle année, on attaque fort. Hein. C'est ça. Bon, ben. On est motivé, on est chaud. Eh ben, tant mieux. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Ciao tout le monde, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, à bientôt, bonne journée, bonne soirée.